le plus. On habite dans lequel on peut faire le diable, jouer les tours pendables aux autres comédiens. On habite dans lequel on fait mille faces en riant sous son masque, car on ne risque rien. Nous partons en voyage à travers le pays, de village en village, nous jouons la comédie. Dans cette vie errante, nous ressentons souvent bien des moments de découragement. Mais je retrouve ma bonne humeur dès que j'avance dans le halo des projecteurs. En habit dans lequel on peut faire le diable, jouer les tours pendables aux autres comédiens. En habit dans lequel on fait mille faces en riant sous son masque, car on ne risque rien. Un peu de rêve et beaucoup de ferveur, voilà notre compagnie d'amateurs. À notre répertoire sont toujours les bienvenus, les chefs-d'œuvre notoires comme les pièces inconnues. Et j'avoue que Molière, Racine ou Marivaux nous donne chaque soir des plaisirs nouveaux. Mais j'ai toujours un petit regret pour le personnage que mon cœur préfère en secret.